alors que tu n'y pensais pas. À 28 ans, tu te croyais encore jeune, ça va de soi. La myopie est arrivée quand tu ne t'y attendais pas. Puis les poils blonds et les rides qui commencent à affluer alors que tu prétendais être encore le roi. Tu draguais encore les filles de 18 ans, mais il est temps pour toi de te caser maintenant, car après tu n'y arriveras pas. Sache qu'il y en a qui ont essayé et ils sont tout seuls. Tu vois, après 40 ans, c'est baiser si t'as pas assez de pognon, c'est baiser pour toi. Calvitie est arrivée alors que tu n'y pensais pas. 28 ans, tu te croyais encore jeune, ça va de soi. La myopie est arrivée quand tu t'y attendais pas. Puis les poils blancs, c'est les rides qui commencent à affluer alors que tu prétendais être encore le roi. Tu draguais encore les filles de 18 ans, mais il est temps pour toi de te caser maintenant, car après tu n'y arriveras pas. Sache qu'il y en a qui ont essayé et ils sont tout seuls. Tu vois, après 40 ans, c'est baiser. Si t'as pas assez de pognon, c'est baiser pour toi. Alors bien sûr, avant on se figure que rien ne peut nous arriver, qu'on a la vie et l'éternité, qu'on peut tout faire, tout accomplir, qu'il y en aura toujours des gens pour nous aider. Alors bien sûr, avant on se figure que rien ne peut nous arriver, qu'on a la vie et l'éternité, qu'on peut tout avoir, tout accomplir, qu'il y aura toujours des gens pour nous aimer. Au final, chacun pense à sa gueule et personne ne peut y échapper. Et au final, tu restes seul avec le choix de vieillir seul comme une merde ou bien de te suicider. Après tout, peu importe.